Pomme des chiens. Pomme des chiens. Pomme des chiens. Pomme des chiens. Pour des centaines de millions, c'est une vraie religion. C'est tout un rituel pour tous ces fidèles. Promener le chien tous les matins. Je suis plein d'entrain. Je marche d'un pas certain, sans penser au lendemain. Promener le chien. C'est alors que survient une question environnementale absolument fondamentale. Qu'est-ce que je fais avec les crottes? Promener le chien, promener le chien. Pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens. Pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens, pomme des chiens.